Bon matin. On se fait de la place. Bon, n'ayez pas peur, là. Des fois, j'avais 11 pages, là, j'en ai 3. Hein? Mais c'est pas, j'ai presque rien écrit. Donc, on a eu 10 prédications de tout l'été. Juste résumer les 10 prédications, parce que je ne veux pas repasser au travers des 10 prédications, mais c'est bon de se rappeler ce qu'on a couvert. Okay? Fait que, on a vu 6 vérités qui interpellent tout homme à se confier en Jésus. Hein? On a parlé du péché, l'homme pécheur, puis de la justification en Jésus-Christ. On a parlé de la grâce et de la foi en Jésus-Christ comme étant les moyens incontournables pour le salut. On a parlé aussi de la reconnaissance envers Dieu, de la grâce et du zèle à rester attaché à Dieu. On a parlé de la part de Dieu dans le salut. C'est quoi la part de Dieu dans le salut de l'homme? On a parlé de croire ce que Dieu dit. On a parlé de la seule justification par la foi. En fait, on est revenu sur la foi juste pour le clarifier. On a parlé des 7 caractéristiques de la justice de Dieu. Et on a parlé de qu'est-ce que c'est l'humilité. Et la semaine passée, c'est Philippe qui prêchait. De quoi il a parlé, Philippe? Parce que les autres, je le sais, vous les avez oubliés. Oser ou mourir. Oser ou mourir. Hein? Oser s'approcher de Dieu. Établir la relation. OK. Fait que dans tous les cas, en passant, là, entre nous, là, on est tous des enfants de Dieu, là, à différents niveaux. Je veux dire, parmi ceux qui sont ici, je pense. Peut-être que quelqu'un n'a pas de foi à faire, là, mais ce que je veux dire, ça fait longtemps qu'on se connaît tout le monde ici, là, puis qu'on redit les mêmes affaires. Fait que, à quelque part, quand on parle de l'évangélisation, on pense tout le temps à ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur dans leur vie. Mais en fait, l'Évangile nous parle à nous aussi tout le temps, parce qu'on est loin d'avoir tout compris puis d'être parvenu à la perfection dans notre vie terrestre, c'est ça que je veux dire. On est parfait en Jésus-Christ, Dieu nous voit comme parfait, mais nous ici-bas, on a à apprendre à avancer. Fait qu'on peut tomber dans les clichés, dans la routine, puis oublier ce qu'on a cru, t'sais, en fait, s'en éloigner, tout en pensant que tout va bien, là, on s'est quand même éloigné de Dieu. OK? Fait que dans toutes les prédications, puis même quand on ne le dit pas, là, il me semble qu'on est interpellé à se rapprocher de Dieu. Fait que, en guise de synthèse, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vous encourage à considérer tout ce qui a été présenté concernant la bonne nouvelle que Dieu nous a annoncée, puis je voudrais réitérer l'invitation à ce que vous soyez réconciliés à Dieu. Puis ça, ça parle pas juste à ceux qui n'ont pas cru, ça parle aussi à ceux qui ont cru, mais que pour une raison ou pour une autre, sont fâchés ou ont oublié ou sont tannés ou je sais pas quoi, OK? Fait que l'invitation, c'est d'être réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu, peu importe là où vous êtes. Fait que, bon, on parle de la bonne nouvelle. Fait que là, c'est intéressant, là, premièrement, ce qu'on a comme référence, hein. Regarde, j'ai 3 versions ici, là. Ceux qui ont une Bible dans les mains, là, pourriez-vous la lever? Non, mais juste qu'on voit, OK? Bon. Même dans les téléphones, là, il y a différentes versions de téléphone, puis il y a différentes versions d'applications, OK? Fait que, on a le texte, OK? Ce que je veux dire en faisant cette démonstration-là, puis en plus, là, c'est des versions différentes, OK? Fait que là, on va tous argumenter sur les versions, sur le format du livre, sur le contenu du livre. En plus, là, ma version à moi, il y a plein de commentaires dans le bas de texte, puis il y a même une grosse brique à la fin là, pour nous aider à comprendre des affaires qu'on n'a peut-être pas vues en lisant. OK? OK? Fait que c'est pas la sophistication de la Bible qui va changer du livre que tu as dans les mains qui change quoi que ce soit. C'est même pas le fait que tu l'as lu qui change quelque chose. Est-ce que vous me suivez? C'est, est-ce que tu écoutes la personne qui te parle? Puis en passant, la personne qui te parle, ce n'est pas l'auteur du texte. L'auteur du texte même va peut-être parler de lui-même, mais quand il parle de lui-même, c'est pour essayer de te faire comprendre celui de qui il te parle. Okay? Il te parle de quelqu'un, mais des fois, pour que tu comprennes de qui il te parle de lui-même pour dire, gars, moi, blabla, OK? Je te parle de quelqu'un. Je voudrais que tu ailles voir ce quelqu'un-là. Le but de tout ce qui est écrit, c'est qu'on se tourne vers ce quelqu'un-là puis qu'on l'écoute. OK? La bonne nouvelle, là, inclut, il y a quelqu'un qui attend qu'on y parle. Ce que Dieu veut, c'est une conversation. Il veut une première conversation, puis après, il veut maintenir cette conversation jusqu'à ce qu'on le voit face à face. Puis on a tellement tendance à pas en tomber dans « ouais, je l'ai déjà lu, je l'ai déjà vu, je le sais, je pense que je le lis, je le sais. » Mais c'est pas ça, là. On s'en fâche dans le texte encore. C'est pas que tu le lises, c'est que tu écoutes la personne qui est en train de te parler. La personne qui est en train de te parler est en dehors du livre. Ça va? Fait que je peux trouver intéressant toutes les prédications que j'entends, je peux trouver intéressant ceux avec qui je me tiens, mais si je ne suis pas intéressé à celui de qui on parle, ou nous-mêmes quand on parle, si on parle de nous, puisqu'on parle de ce que Dieu a fait dans nos vies, mais on ne parle pas de Dieu, on ne parle pas de Jésus-Christ, ben on tire à côté parce que ce que Dieu veut, c'est que chaque personne qui entend le message rentre dans une conversation avec lui. Ça va? Fait que moi, je voudrais parler ce matin, là, rapidement, je vais vous lire quelques textes, mais on va les lire ensemble, mais pas pour en faire des grandes exégèses, là, c'est juste pour qu'on saisisse ce qui est dit. C'est quoi la bonne nouvelle? Parce qu'il y a des résumés. On a fait un cours, mon collègue Jean-Marie, on a fait une extraction dans nos statuts et règlements, de principes de fonctionnement. Mais il dit, comment tu fais ça? C'est ça, les principes de fonctionnement? Ben oui, je comprends. Là. Mais vu qu'on est simplistes là, un peu, nous autres, là, on va faire des extractions. OK? Mais encore là, si vous lisez les principes de fonctionnement, mais que vous ne saisissez pas pourquoi que c'est les principes de fonctionnement et c'est qui est derrière ces principes de fonctionnement-là, ça ne veut rien dire. Est-ce que vous me suivez? Fait, qu'est-ce que la bonne nouvelle? Pourquoi la bonne nouvelle? Il m'en manque un ici, là. C'est quoi la part des croyants dans cette génération-ci concernant la bonne nouvelle? Puis, on a tous une décision à prendre concernant la bonne nouvelle. Pas juste une foi, le salut en quatre points, là, mais c'est une décision continue. C'est d'être en conversation avec Dieu, à l'écoute de Dieu, parce que tout le temps, constamment, il y a quelque chose à me parler. OK? Fait que le premier texte que j'aimerais regarder, c'est 1 Corinthiens 15. Si vous pouvez y tourner. Puis encore là, on ne va pas s'enfarger dans les versions. Hein? Parce qu'en faisant ça, j'ai pris les versions que je trouvais les plus faciles à lire ensemble. Mais je peux passer d'une version à l'autre. Je n'ai même pas pris le temps là, ce matin et hier d'écrire quelle version j'avais. Là. J'ai juste pris le texte que je trouvais qui se lisait le mieux dans les versions que j'avais pour qu'on en saisisse le point. Et là, encore là, je ne veux pas en faire l'exégèse, je veux juste qu'on reste avec. 1 Corinthiens 15, là c'est Paul, ben, c'est Dieu, là, Christian va me reprendre, c'est Paul qui au travers de la plume, c'est-à-dire Dieu au travers de la plume de Paul qui nous parle, OK? Mais Paul, il parle quand même de lui, là, ici, puis de son « nous » à lui, OK? Frère, je désire vous rappeler maintenant la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous êtes fermement attachés. Fait qu'ils l'ont entendu, ils l'ont reçu et ils sont attachés. Bon là, évidemment que nous, on ne l'a pas entendu, Paul, mais on lit ce qu'il a dit. Fait que c'est comme, on peut dire, on l'entend, d'accord? Mais moi, j'ai souligné à laquelle vous êtes fermement attachés. S'il dit ça, c'est parce que c'est possible de se détacher. Je ne parle pas de la perte du salut ici, mais de perdre le focus. C'est pareil, le verset 2, que vous êtes sauvés. La bonne nouvelle. Si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Fait qu'il y a un danger ici, là. C'est de la trafiquer nous-mêmes. D'oublier le texte comme Ève a oublié ce que Dieu avait dit. Mais en fait, Ève n'a pas entendu Dieu. C'est Adam qui a entendu Dieu. Il a dit quelque chose à Ève. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Mais quand est arrivée la situation que Satan se présente, Ève a oublié la parole exacte de Dieu, puis elle tombe dans un piège, puis Adam va suivre dans le piège, OK? Fait que tel que je vous l'ai annoncé, n'y ajoutez rien, n'y enlevez rien. La bonne nouvelle, autrement, vous auriez cru inutilement. Bon, parce que de croire, c'est que je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. Mais de croire, c'est aussi que ma vie sur terre est transformée. Ma joie ne dépend plus de ce que le monde m'offre. Vrai? Mais de ce que Dieu m'offre. Verset 3. Je vous ai transmis avant tout cet enseignement, on parle du même, là, sans y changer rien, que j'ai reçu moi-même. Et là, il l'a décrit. Et ça, c'est important parce que l'évangélisation, c'est d'annoncer ça. La bonne nouvelle, c'est ce qui suit ici. C'est pas compliqué. C'est tellement pas compliqué. Puis ça parle pas de nos émotions, ça parle pas de comment je me sens. Ça parle de le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Fait qu'il faut que je lise l'Ancien Testament si je veux croire ce qui est dit dans le Nouveau Testament. Est-ce que ça me va? Ben, je suis pas obligé de le lire puis d'avoir tout compris avant de croire Dieu, là. Mais si je veux comprendre ce que Dieu dit, je vais aller lire qu'est-ce qui précède pour comprendre ce qu'il a fait. OK? Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Donc, la parole de Dieu sert à quelque chose. Il a été mis au tombeau. Il est revenu à la vie le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Fait que Dieu a dit quelque chose, Dieu a fait ce qu'il a dit. Il a été mis au tombeau, il est revenu à la vie le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Et là, intéressant, il est apparu à Pierre. Donc, Pierre l'a vu. Bon, ça ne vous suffit pas, OK? Il est apparu aux 12, les 12 apôtres. Bon, ça ne vous suffit pas non plus? OK? Ensuite, il est apparu à plus de 500 de ses disciples en même temps, là, à la fois, le même jour, au même moment, dans des circonstances particulières. Il leur est apparu. Bien là, la plupart d'entre eux sont encore vivants, mais quelques-uns sont morts. Ça, ce que l'auteur est en train de dire, c'est que je leur ai parlé, ces 500-là, là, puis ils ont confirmé la chose. Fait que moi, l'auteur de la lettre ici, Paul, je vous dis, regarde. Là. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Enfin, après eux tous, parce que là, ça serait moi aussi, je vous dirais quelque chose que j'ai entendu de quelqu'un d'autre, mais après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, bien que je sois pareil à un être né avant terme, un avorton, un moins que rien. Je suis en effet le moindre des apôtres, à vrai dire, je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église de Jésus-Christ. Mais par la grâce de Dieu, et ça, on pourrait tout appliquer ça à chacun de nous, là, on ne vaut rien. Là. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, peu importe. Et la grâce qu'il m'a accordée n'a pas été inefficace. Au contraire, Paul y dit, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, en réalité, mais la grâce de Dieu qui agit en moi. Quand Paul y dit ça, il a le droit de le dire. Ainsi, et c'est là le point, que ce soit moi, que ce soit eux, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, voilà ce que nous prêchons, ce qu'on vient de dire. C'est pas compliqué, là. Dieu avait annoncé quelque chose et Dieu l'a fait. Et le salut réside dans ce qu'on vient de lire. C'est pas plus compliqué que ça. Mais si j'oublie ça, je tombe dans toutes sortes d'affaires. Puis je peux me fâcher après Dieu, je vais me fâcher après les circonstances à cause que j'oublie ça. Ce que Paul dit, c'est que peu importe qui annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ, croyez cette bonne nouvelle parce que c'est vrai, parce que c'est la vérité. C'est tout. Dieu l'avait dit dans l'Ancien Testament au travers des prophètes, c'est arrivé tel que c'était annoncé et il y a plein de témoins qui l'ont vu. Fait que ce que Dieu a dit dans ce livre-là, c'est vrai. Pourquoi la bonne nouvelle est annoncée? 1 Jean chapitre 1. Là, c'est Jean qui va parler. Dieu va nous parler au travers de l'apôtre Jean. Okay? Les épîtres sont écrits à la fin de la vie de Jean. Je n'ai pas les années par cœur, là, mais à la fin de la vie de Jean. Okay? 1 Jean, chapitre 1. 1 Jean chapitre 1, ça va tout le monde? On va lire de 1 à 9. Nous vous annonçons le message, et ça c'est pourquoi la bonne nouvelle doit être annoncée. Nous vous annonçons le message de celui qui est la parole de vie. Le message, il vient de Dieu, dans la personne de Jésus-Christ. Jésus est la parole de vie. Il existait depuis les origines. Or, lui aussi dit, nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nous l'avons touché de nos mains. Si tu veux plus témoin que ça, là, tu meurs. Donc, je vais aller avec Philippe, là. Oser ou mourir. Hein? Oui, celui qui est la vie est apparu. La vie éternelle qui était de tout temps auprès du Père a été rendue visible à nos yeux. Je retourne à ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens 15. Il est né, il a marché, il a été crucifié, il a été enterré, il est ressuscité et il est vivant assis à la droite de Dieu. Okay? Alors, celui qui est la vie est apparu, la vie éternelle qui était de tout temps auprès du Père a été rendue visible à nos yeux. Nous en parlons à titre de témoins et nous vous l'annonçons. Je le répète, ce que nous avons réellement vu et entendu, nous vous l'annonçons parce que nous aimerions, et c'est le point, pourquoi annoncer l'Évangile? Pourquoi Jean, Paul, ses vertus, s'exposent à être frappé, mis en prison, toutes sortes d'affaires? Tous les autres qui ont eu le désir d'annoncer l'Évangile, pourquoi ils font ça? Parce que nous aimerions que vous soyez associés à nous dans cette communion dont nous jouissons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. On n'y gagne rien à annoncer l'Évangile. Celui qui entend l'Évangile, il gagne quelque chose. Mais on y gagne quelque chose, dans le fond, pas personnellement, mais on y gagne quelque chose parce qu'on est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et on participe à sa joie quand quelqu'un reçoit l'Évangile avec foi. C'est comme vous suivez? Mais moi, personnellement, j'y gagne quoi? Je ne gagne rien. C'est l'Évangile, c'est l'annonce de l'Évangile qui est faite. La personne qui la reçoit, on vient d'écourter sa vie terrestre puis de démarrer sa vie éternelle. Mais pour Dieu, le soupir de Dieu, c'est quand le dernier des croyants va être entré. Puis ça, par contre, on y gagne quelque chose. Quand le dernier des croyants va être rentré, le Seigneur vient chercher son Église et finalement, on n'est plus dans ce corps de chair, mais on est dans notre corps glorifié pour l'éternité avec Dieu. On ne va pas être sur des petits nuages. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Pendant 1000 ans, je sais ce qu'on va faire, grosso modo. On va régner avec Christ sur la terre, dans ce monde tel qu'il est, sans Satan. Puis après, nouveau ciel, nouvelle terre, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, mais ça va être un gros « waouh ». Moi, j'ai manqué de souffle, là. Un éternel émerveillement. Si je vous ai écrit ainsi, c'est pour que notre joie soit complète, la sienne puis la nôtre. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ que nous vous transmettons. Dieu est lumière, il n'y a aucune trace d'obscurité en lui. Quand Paul nous parle de la bonne nouvelle, il nous annonce ce qui a été fait. Quand Jean nous parle de la bonne nouvelle, il nous parle de qu'est-ce que ça change. Dieu est lumière, il n'y a aucune trace d'obscurité en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en menant notre vie loin de la lumière, autrement dit, en se foutant de qu'est-ce qu'il y a à dire, nos paroles et nos actes constituent un gros mensonge. Je rajoute, hein? Un mensonge. Un mensonge, c'est un mensonge, là, pas ça. Hein? Il n'y a pas de petit, puis il n'y a pas de gros mensonge. Un mensonge, c'est un mensonge. Bon, je me corrige moi-même. Bon, nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous quand nous prétendons être en communion avec lui tout en menant notre vie à notre façon à nous. Si par contre nous vivons dans la lumière, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'il dit, on se laisse guider par lui tous les jours, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes vraiment en communion avec les uns avec les autres. Puis le sang répandu, on retourne au sacrifice de Christ, pour nous, par Jésus son Fils, nous purifie du péché sous toutes ses formes. Nous purifie, là, c'est dans le mouvement, OK? Je suis loin d'être parfait, il n'y a aucun d'ici qui sont parfaits, mais si on regarde en arrière, on devrait voir le fruit de l'Esprit dans la vie de chacun de ses enfants. On est loin d'être patient à outrance. On est loin de se maîtriser en toutes circonstances. Hein? On est loin d'être bienveillant tout le temps. Mais j'espère que quand je regarde un frère ou une sœur, dans le temps, pas pour le juger, mais pour voir ce que Dieu fait, je devrais voir une progression là-dedans. Plus patient, plus en contrôle, plus bienveillant, plus concerné par les autres. C'est ça que je devrais voir. Et c'est ça ici, là. Il nous purifie du péché sous toutes ses formes, rend ma vie tranquillement conforme à la sienne. C'est ce qu'il fait. Mais pour le faire, c'est pas juste de lire le texte, c'est de me poser des questions, c'est-à-dire, en fait, poser des questions à celui qui n'est pas dans le livre ici, là. Celui qui a produit le livre. J'y parle, puis je l'écoute. Il va me dire au travers de ça, qu'est-ce qu'il veut me dire? Si nous prétendons être sans péché, mais moi, je n'ai pas tué personne, je n'ai rien fait de mal, je n'ai pas volé rien de significatif, je suis obligé de dire ça, j'ai pas tué personne, là, ça n'a pas passé dans les journaux, là. Bon, j'ai peut-être mangané la réputation de quelqu'un une couple de fois, là, mais ce n'est pas dans les journaux, là, tout le monde fait ça. Bon, si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes, nous vivons dans l'illusion, et la vérité n'habite pas en nous. Mais il faut faire attention ici, hein? On peut tout retomber là-dedans. Je ne suis pas en train de parler de perdre le salut, là. Je suis en train de dire on peut tout retomber dans les pièges comme ça. Si nous prétendons être sans péché, sans, je vais rajouter, sans aller voir Dieu là, avec la situation, là, pour voir ce que lui en pense. Parce que dans le fond, je ne veux pas l'entendre. Parce que dans le fond, là, je le sais que ce n'était pas correct. Là. Bon, si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes. Nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si au contraire, nous reconnaissons que nous avons péché, et là, je ne veux pas retourner sur toutes les prédications, mais c'est reconnaître ma faute, puis me tourner vers celui qui pardonne mes fautes, puis croire qu'il m'a pardonné, qu'il n'y a plus d'accusateur, puis marcher en nouveauté de vie. C'est ça que je vais faire. Si au contraire, nous reconnaissons que nous avons péché, si nous avouons nos fautes, nous pouvons nous fier à Dieu. Il agira selon ce qu'il a promis et ce qui est juste. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui n'est pas juste en nous. Juste ici, là, on va dire tout ce qui ne vient pas de lui. Il va nous purifier de tout ce qui n'est pas correct en nous. Il va le faire. Mais il faut que je reconnaisse que j'ai péché, que je suis pécheur. Puis le péché, en fait, là, c'est d'être rebelle à Dieu. Tu as tué quelqu'un. Tu as tué quelqu'un, pourquoi? Parce que tu es rebelle à Dieu. Tu es fâché contre ta sœur, tu l'as frappé. Ou contre ton frère, tu as fait quelque chose. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas ce que tu voulais. Tu es fâché. Pourquoi? Tu es rebelle à Dieu. Parce que quand on est en paix, on ne se fâche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas quand on se fâche. Bon, ça peut nous arriver à l'occasion, là, croyez-moi. Mais ça ne devrait pas être la norme. Ça ne devrait pas être mon caractère. Ça ne devrait pas être mon attitude. Si au contraire, on reconnaît qu'on a péché, si on avoue nos fautes, on peut se fier à Dieu. Il va faire ce qu'il a dit et ce qui est correct. Il va nous pardonner nos péchés puis il va nous transformer. On peut tuer des êtres humains. En fait, on le fait de différentes façons. Quand on dit des choses pas gentilles, quand on attaque leur réputation, quand on les voit souffrir et on les laisse souffrir, il y a un double message. Quand je vois quelqu'un souffrir, je le laisse souffrir. Un, ça ne m'intéresse pas. Hein? Deux, j'ai peut-être un plaisir à te regarder souffrir. OK, fait, pourquoi annoncer la bonne nouvelle? Pour qu'on soit en communion les uns avec les autres dans le Seigneur. Que tous ceux que Dieu appelle soient dans cette communion-là. C'est quoi la part des croyants? On va aller voir Hébreux 12, OK? C'est quoi la part des croyants aujourd'hui, ici, dans cette génération, concernant la bonne nouvelle? Fait que Paul, il parle de tout ce que nous vous avons annoncé. Jean parle de tout ce que nous vous annonçons. Hébreux 12, verset 1. La part des croyants. Ça va? Quant à nous, et là, c'est la lettre aux Hébreux. Alors, on ne sait pas c'est qui l'auteur. Bien qu'on peut avoir notre avis sur la chose. Mais l'auteur dit, intéressant encore, quant à nous, c'est intéressant qu'aucun d'eux parle en son nom personnel. C'est Dieu qui parle au travers de ces personnes-là, mais Dieu intègre tout. Au début, à la création, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont parfaitement un, sont toujours parfaitement un. Mais ils ont décidé, dans leur sagesse, dans leur conseil, d'élargir le groupe. Pas juste les trois, mais de l'élargir. Fait qu'ils appellent l'homme à intégrer ce groupe-là. Quant à nous, et là, l'auteur de Hébreux, nous sommes entourés de cette grande foulée de témoins qui est nous, eux, ici, qui nous dit ça. Ils parlent dans Hébreux 11 de tous ceux depuis la création qui ont cru en Dieu, qui ont cru Dieu et qui ont payé le prix de leur croyance. On part avec Abel, on va avancer au travers de l'histoire et on va arriver à l'époque de Hébreux et il y en a plusieurs qui ont été mis en prison, qui ont été tués, qui ont été torturés de toutes sortes de façons. OK? Tous ces gens-là sont témoins. Pas témoins dans le sens « je t'ai vu ». Ce sont des témoins dans le sens qu'il y a une borne. Quand on les regarde, eux, on voit ce que Dieu a fait dans leur vie. Et ça, c'est important ici. Quand on les regarde, eux, on voit ce que Dieu a fait dans leur vie. Ils sont des témoins dans ce sens-là qu'ils sont un tas de pierres à quelque part. Quand ils ont traversé la mer Rouge, à la sortie de la mer Rouge, ils ont fait un autel avec des roches. Et là, Moïse va dire, « Rappelez-vous, chaque fois que vous allez passer ici, rappelez-vous de ce qui s'est passé. » Le tas de roches, c'est un témoin. Il y a des témoins dans nos vies, dans le sens que nous-mêmes, on sait ce que Dieu a fait à certains moments de notre vie très particulier. En fait, on devrait le voir à tous les jours, là, mais il y a des moments plus significatifs que d'autres. Donc, ces témoins-là, ces bornes-là. Mais en même temps, ici, c'est des personnes. Abel, on se rappelle. Abraham, on se rappelle. Moïse, on se rappelle. David, on se rappelle. Il y a plein d'autres noms là, qu'on peut regarder. Là. Jacob, Isaac. Bon. Et dans, quand il finit sa série dans Hébreux 11, là, il nomme plus les personnes. Il y en a trop. Là. Il n'est plus capable de les nommer. Mais ceux qui savent de quoi il parle, il dit, ben oui, je les ai vus. OK? Bon, et quant à nous, là, on pourrait l'appliquer à nous aujourd'hui parce qu'on est en train de lire la lettre. Quant à nous, là, on est entouré d'une grande foule de gens dans laquelle on a, dans la vie desquels on a vu Dieu agir. J'espère que aussi dans la tienne. Mais si toi, tu ne l'as pas vu encore dans la tienne, mais que tu vois ce que Dieu est en train de faire dans la vie des autres, ça devrait t'interpeller là, quelque part. Là. Avant de juger quelqu'un, regardons ce que Dieu fait. Et si tu vois Dieu agir, arrête de parler. Arrête de juger, parce que Dieu est en contrôle. Il y a un verset, j'ai oublié c'est quoi le passage, qui dit qu'on n'a pas à juger les frères et les sœurs. Dieu s'en occupe. Même quand on est en désaccord avec quelqu'un, là, si c'est un sujet de doctrine, on ne va pas s'astiner sur un sujet de doctrine. On va rester focusé sur l'Évangile de base. Puis on va continuer à marcher ensemble. Puis on ne va pas juger l'autre puisque Dieu fait dans la vie de l'autre, là, parce que ce n'est pas nous. Il ne nous demande pas permission. Et on continue. Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche. Intéressant, hein? Ça ne se résume pas au péché. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous. Et ça commence à quel âge? Hein, Frédéric? Ça commence à quel âge, ça? Tu sais, Lydia, à quel âge ça commence? Lydia, à quel âge ça commence? Oui, Nathalie? Ah, je recommence, OK. Écoute, Lydia, Charles, es-tu là? Ah, OK, c'est bon, puis Édouard, l'autre bord. Mais c'est parce que je prends les plus petits, hein, parce qu'on va monter dans l'échelle hiérarchique de la vie ici, là. Hein? Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche. Tout ce qui nous empêche de faire ce que Dieu nous demande, puis dans le cas des enfants, au travers de leurs parents. OK? Là, on pourrait l'appliquer à l'Église. Je vais faire attention ici, là. J'ai pas de tomates. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché. Ça, là, le péché, c'est quand je frappe quelqu'un, je mange, je désobéis, non, non, non. Mais il y a d'autres affaires qui alourdissent la vie. Ah, j'ai envie de telle affaire, je suis plus capable de vivre parce que j'ai pas eu ceci, j'ai pas eu cela, tu sais. Ça, c'est les autres affaires, OK? Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous. Ça arrive-tu, Lydia, des fois que tu fais des choses que tu n'as pas envie de faire? Toi, Fred? Elle a dit oui en passant. Ouais. Ah ouais, Edouard, il ne veut pas que je demande, je ne demanderai pas. Non, mais c'est parce que même en vieillissant, là, ça ne change pas, là. Si nous, on ne fait pas ce que Dieu demande, on va retomber dans les pièges. Mais ce qui nous aide, gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, OK? Fait que nous, ce qu'il nous demande ici, notre part à nous, là, c'est de persévérer dans la foi. Fait qu'on va se débarrasser de ce que le monde a à nous offrir. On va laisser Dieu nous travailler dans nos vies, mais là où ça ne marche pas. Parce que, c'est quoi le but? C'est que par notre vie, on annonce l'Évangile à ceux qui nous entourent. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. Ce n'est pas de la honte là, qu'il avait à faire ce que Dieu dit. Ça n'avait même pas de place pour lui. Okay? Ce qu'il travaillait, là, c'était nous et sa relation avec Dieu. C'est tout. C'est nous et sa relation avec Dieu. Est-ce que c'est ça qui nous travaille, nous autres, ou bien c'est autre chose? Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et nous, c'est quoi notre espérance, si ce n'est pas la même que lui? Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Et nous, quand on va passer dans l'autre vie, où est-ce qu'on va être? Ceux qui ont cru Dieu. Dans sa présence, avec les saints qui nous ont précédés. Pensez à lui, au lieu de penser à votre misère d'aujourd'hui. Pensez à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs. Et ainsi, et c'est la seule façon, pensez à lui, tout ce que lui a fait, tout ce que lui a vécu. Pensez à ça. Et si vous faites ça, vous ne vous laisserez pas abattre, vous ne vous découragerez pas. Mais si vous arrêtez, vous êtes foutus. Ah, vous ne perdez pas la vie éternelle, mais vous perdez la joie de la vie éternelle ici-bas et vous retombez dans les problèmes humains, mondains. 2 Corinthiens 5. Je vais y aller, là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tout ça vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et, là le point, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous qui avons été réconciliés toute notre vie, c'est pour la gloire de Dieu, et le ministère de la réconciliation, d'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ à ceux qui nous regardent. Nous sommes ceux qui avons la vérité. Je vais aller lire le passage que Rémi m'a donné ce matin. 1 Corinthiens, chapitre 2. Ça vaut la peine de le lire. Verset 9, 1 Corinthiens 2, 9. Parce qu'il faut se rappeler qui on est, là. Elle veut pas que j'y aille. Bon. OK. Mais comme il est écrit, 1 Corinthiens 2, verset 9, « Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. » Pour ceux qui aiment Dieu. OK? Pour ceux qui l'aiment. Fait que, peu importe ce qui s'est passé sur la planète, Dieu... Peu importe que tu l'avais entendu avant ou pas, Dieu a préparé le message de la façon qu'il a voulu, par les Écritures, dans la langue que tu veux, dans la version que tu veux, C'est le même Dieu qui parle en arrière, hein? OK? Et par le témoignage de ceux qui ont cru. Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous, là je parle aux enfants de Dieu, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit. Fait que si je lis le texte et que je n'ai pas une conversation avec Dieu, c'est mon interprétation du texte. Si je lis le texte, que je demande l'aide de Dieu, ça va être son interprétation du texte. Une façon de la valider, c'est que les autres enfants de Dieu qui ont l'esprit de Dieu, eux aussi ont le même esprit. Donc, il y a pas, Dieu n'a pas 12 000 versions puis 12 000 formats. Il a une seule version, mais il s'adapte à nous. Il nous le dit de différentes façons, mais c'est le même message, c'est la même vérité. Fait que Dieu nous l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout. Même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Hein? On va parler des psychologies modernes. Là. On est capable de déduire par la psychologie là, toutes sortes d'affaires sur l'homme, mais on ne connaît pas le cœur de l'homme. On peut juste dire les grandes lignes, les grands traits, les tendances, mais 98% du temps, tu vas te tromper sur ta conclusion. Okay? Mais on peut parler de ça. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alors, si j'agis par la chair selon l'intelligence humaine, ce que le monde voit de moi, c'est l'intelligence humaine. Si j'agis selon la pensée de Dieu parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi et que je l'écoute et que je fais ce qu'il dit, ce que le monde me regarde, qui est-ce qu'il voit? Je l'espère. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, nous, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, on n'utilisera pas la psychologie, toutes ces choses-là, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. OK? Je vais offrir le prochain verset pareil. Hein? Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel, et ceux qui sont spirituels finissent par comprendre le message. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. OK? Fait que nous, notre rôle, c'est d'annoncer l'Évangile. Comment? En le vivant. Si je retourne à 2 Corinthiens 5... Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, ça devrait être visible. Pas juste une fois, mais sur une base continue. En fait, une nouvelle créature qui grandit, qui passe de enfant à adulte. Ce qui était avant, là, c'est fini, on n'en parlera plus. Ce qu'on voit maintenant, c'est la nouvelle nature. Et tout ça, ça vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné... Ça, c'est notre nouveau rôle et responsabilité. Le ministère de la réconciliation, c'est au travers de nous que Dieu veut réconcilier les autres qui le cherchent. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense. Dieu, Jésus a dit, Jean 3:17, il n'est pas venu pour juger le monde. Il est venu pour sauver le monde. Et jusqu'à ce qu'il revienne, c'est le ministère. Pas juger le monde, pas juger les gens, pas les accuser, simplement leur annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle. C'est tout. Puis comment? Par la parole, pas par ce que tu penses, pas ce que tu crois, ce que Dieu dit, hein? Pas par la parole, ou ce que tu penses ou ce que tu crois, mais par ce que Dieu dit, pas par ta parole, mais par sa parole. Mais ça doit paraître dans ta vie, parce que si ça paraît pas dans ta vie, tu es un gros menteur, une grosse menteuse, qu'est-ce que je te dis? C'est ça que les gens vont dire. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il nous a donné la parole de la réconciliation, mais il nous a aussi donné un cœur capable de le dire de la bonne façon. Des fois, c'est brutal, hein, quand on annonce l'Évangile, dire à quelqu'un la vérité, là, il n'aime pas ça. Mais dans mon cœur, voulais-tu le frapper ou je voulais qu'il saisisse? Dieu connaît les cœurs. Si tu me juges sur ce que je viens de faire, ça se peut que tu n'aimes pas ce que j'ai fait. Quand on corrige un enfant, il y a de la misère à saisir l'amour là-dedans. Mais c'est quand même de l'amour si tu le fais pour la bonne raison. Quand on reprend quelqu'un, des fois on a de la misère à saisir l'amour là-dedans. Mais c'est un manque d'amour de ne pas reprendre, de ne pas corriger, de ne pas redresser. Donc on doit le faire. On doit le faire avec douceur. Nous faisons donc, nous, ceux qui ont cru, les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Bien, c'est ça qu'il fait. Donc, on a tous une importante décision à prendre concernant la bonne nouvelle. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et là, nous qui vivons ça, on est les témoins de ce monde, dans ce monde, OK, envers le monde qui nous regarde. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Tout comme tous ceux dont Paul et Jean parlent, qui ont reçu la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ainsi que tous ceux que Hébreux parle, qui ont cru, qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, tous nous, là, quand le monde nous regarde, ce qu'il devrait entendre, c'est « Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » C'est ça qu'il devrait entendre. Ça va? Amen. S'il y en a qui n'ont pas de Bible papier, là, j'ai une couple de versions aussi. Continuer